criminel style. Bon habit effectif. Fais rien, trip sale, c'est quoi le deal? Quand l'ennemi se montre, se peindre en vert comme les BL. Exaspéré, achevons les blagues. Rassasions les plaques en satisfaisant les schlags. Sincère comme une bière qui vient de Palestine. Serré comme une partous dans une mini hostile. Poster d'Al, Pacino 6, 35, 2 balles dans une tête. Les stupes tiennent les photos de la clique dans leur classeur. Même si mes potes ont le vertige, ils sautent ta sœur. Trop de tasses, trop de passes, trop de caisseurs. La politique, tu pleuras parce que moi je te blesse. Dis-moi, sale con, quand t'es sale con, t'as posé un Benz ou bien piquera par le balcon. Et si t'es un peu mieux, je te l'écris en majuscule. PLP, et les enculés le savent tous. Criminel affiliqué, PLP, et les enculés le savent tous. Laisse les courses poursuivre, faut qu'on les bouffe tous. Quand tu rentres dans ma tête, dans la rue, c'est on bicrave tous. Hausse les ventes, bicrave la 2.0. C'est pas pour parler le pas possible, on lèverait pas que les peureux. C'est criminel, c'est pas fric et arme. Tape pas le cas, famille et femme. Je te plante comme deux petits dans les affranchis. Dégueulasse, t'es une merde de plus, peux la transcrire. Transgresser en progresseux, sans finir dans le vide, mais gros et graisseux. Jamais on s'en fie, mais quand même on se transfile. Si la gamme est bonne et les yoyons se tirent en fil. Une indienne, un calumet, une grosse pipe. Pour qu'on tasse dans ma tessie, devienne grosse pute. Petite flûte, Harry pute pas. Une équipe de condés au cul, faut te barrer quelle part. On met des rodka à chaque pas. À moi j'ai un pack de 6, on pite dans le pas. Pépère, des grappettes pour le dessert. On peut pas oublier les squats, les produits ZZR. Aménage ton cercueil, t'as le bonjour d'Albert. Chez nous, quand t'as black et blanc, c'est la faute du calcaire. Criminel affilié, PLP, et les enculés le savent tous. Laisse les courses poursuivre, faut qu'on les bouffe tous. Quand tu rentres dans ma tête, dans ma rue, c'est on bicrave tous. Hausse les ventes, bicrave la 2.0. C'est pas pour parler le pas possible, on lèverait pas que les peureux. C'est criminel, c'est pas fric et arme. Tape pas le cap, famille et femme. Les yeux sont rouges, S-H-I-T. Le sol est rouge, rien que ça agiclé. Qu'est-ce que tu crois, qu'il y a de la convalescence? Que les sens font que la bêtise soit regrettée. Mes fesses, Jack Daniels dans le coca. Mes frères se congratulisent dans le parisien leurs méfaits. Et y'a les drames, les mariages, les décès. Les potes qu'on a perdus, reposent en paix kéké. Les commissions, rogatoires, les petites sœurs en cloque. Les nourrissons qui parlent de cloque, le stress des gyrophares. Le carré, la plaque tournante, hameau. La rue du Maine, Balo, la colline et mes salauds. J'y vis, j'y reste, tu veux nous test, approche donc. T'es un schlag et lâche con, un jour à verre des frecos. Une tasse d'escala, après minuit ne passe pas par là. On devient des monstres, impulsifs et barbares. Criminel affilié, PLP, et les enculés le savent tous. Laisse les courses poursuivre, faut qu'on les bouffe tous. Quand tu rentres dans ma tête, dans ma rue c'est on bicrave tous. Hausse les ventes, bicrave la 2.0. C'est pas pour parler le pas possible, on lèverait pas que les peureux. C'est criminel, c'est pas fric et arme. Tape pas le cas, famille et femme. Criminel affilié, PLP, et les enculés le savent tous. Laisse les courses poursuivre, faut qu'on les bouffe tous. Quand tu rentres dans ma tête, dans ma rue c'est on bicrave tous. Hausse les ventes, bicrave la 2.0. C'est pas pour parler le pas possible, on lèverait pas que les peureux. C'est criminel, c'est pas fric et arme. Tape pas le cas, famille et femme. C'est pour mes enculés.